On n'a pas eu le temps de finir notre conversation. Quelle conversation? T'étais sur le point de me dire ce que... J'étais sur le point de te dire que dalle. Pourquoi tu me le dis pas maintenant? Yeah, à l'ancienne groove theory. Yeah, nous deux ailes, dernier pro. Tell me. De tes rêves à coups de marteau, mais zappe mon numéro, stop ce déluge de texto. Je ne suis pas le mec qu'il te faut, j'ai trop la tête à la recherche de nouveaux flots. Tu penses mariage, moi je suis plutôt baguette large. Bébé, arrête de me dire que j'ai passé l'âge. Moi je veux des beats fat, toi des promenades, un grec entre deux prises. Toi tu rêves, t'es rassé salade. Oublie la balade le long du lac, m'amène un S qui vient de m'envoyer un son qui claque. Et même si t'as une pure plastique, quand tu t'approches de moi c'est trop électrostatique. Je te jure, vaut mieux qu'on lâche l'affaire. Regarde, je suis dans le studio, un featuring à faire. Bébé, ne compte pas sur moi. Le hip-hop m'a marqué avant toi. Depuis moins d'une semaine, et depuis ce temps-là, tu ne me lâches plus d'une semaine. Franchement, faire cocu ma meuf, ce serait odieux. Dois-je compromettre 2 ans de vie commune pour tes beaux yeux? Oh, c'est clair qu'autour de moi tu fais le ménage et que j'ai bloqué sur ton fessier phénoménal. Mais à ce petit jeu-là, tu n'es qu'une tricheuse. Car je suis comme bouche bée devant ta démarche aguicheuse. À t'écouter, tu me veux à tes côtés. Tu veux tout faire pour moi, quitte à me faire passer pour quelqu'un de sournois. J'hésite à donner suite à tes sollicitations. T'insistes, mais je résiste tant bien que mal à la tentation. Ta beauté et ton charme font mal à mon œil. Lorsque seul sur la plage, je te masse mon œil. Chérie, tu n'apportes que du rêve et du répit. Donc ferme la porte, il ne faut pas qu'on nous épie. J'ai presque perdu espoir, encore heureux que la nuit soit longue, soit l'ombre de mes pas. Je suivrai les tiens, le temps ne mettra pas de point final à nos étreintes. Change du tout au tout, je passe du loup à l'agneau. Je te tourne autour, veux-tu placer ton doigt dans l'anneau? Ça paraît fou, puisque c'est vrai qu'on se connaît pas. Et je voudrais pas que notre fougue soit les prémices d'un faux départ. Il faudrait pas rêver, puis briser, être la risée. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble à l'arrivée. Quels que soient les obstacles de notre parcours, tant qu'on avance, les autres stagnent. Jaloux, notre amour, parle pas, c'est à souffert. Mon cœur, je vais t'ouvrir à la question que tu me soumets. La réponse est mon sourire. Je peux pas laisser le suspense ni faire style, je suis hésitant. Toi et moi ensemble, darling, c'est évident.